Bonjour, madame. Bonjour. Une baguette, s'il vous plaît. Voilà. 1 euro, s'il vous plaît. Merci. Au revoir. Au revoir, madame. Bonne journée.